Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Vous vous demandez quand arroser votre orchidée. Le bon moment, c'est quand les racines deviennent ternes et grisâtres. Un conseil d'expert, en plus d'un joli cadeau pour briller aux yeux de votre maman pour la fête des mères. Et jusqu'au 3 juin, Gamme Vert vous propose l'orchidée 3 tiges avec cache-pot en céramique à 12,95€. 12,95€. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Comment la Chine raconte-t-elle son histoire au monde ? Ah bah sur ce point, rien de nouveau sous le soleil. Chaque État, chaque nation, chaque communauté raconte sa propre histoire. Mais quelles sont les spécificités du récit national chinois ? Eh bien, le mieux n'est peut-être pas de laisser la parole à un Chinois, mais tout simplement à celui qui a réfléchi au péril jaune, Alain Perfit. Faut-il avoir peur des Chinois ? Les Chinois n'ont jamais été expansionnistes. Les Chinois ne se sont jamais répandus à l'étranger. Les Chinois ont découvert la poudre à canon, mais ils ne s'en sont pas servis pour conquérir le monde. Ils s'en sont servis pour faire des feux d'artifice. Ils ont découvert la boussole, mais ils ne s'en sont pas servis pour lancer leurs vaisseaux sur les vastes mers et faire des conquêtes. Ils s'en sont servis pour des jeux nautiques, des amusements sur les lacs. Au fond, les Chinois s'intéressent à eux-mêmes, se suffisent à eux-mêmes. Ils sont un monde immense qui est tellement riche, tellement extraordinaire qu'il se suffit parfaitement à lui-même, il n'a pas besoin d'attaquer les autres et de conquérir les autres. C'est pourquoi je ne crois pas au péril jaune, en tout cas pour le moment, à longue échéance qui peut s'avoir. Mais ce n'est pas dans les traditions chinoises que de menacer les autres. Et Chuan Lai m'a dit, et il avait raison de le dire, il n'y a pas un seul Chinois en uniforme en dehors des frontières de la Chine. Et on ne peut pas le dire de beaucoup d'autres pays, ou en tout cas de beaucoup d'autres puissances. C'est Alain Perfit qui s'exprimait en 1974 dans l'émission « Faut-il avoir peur de la Chine ?» Eh bien pour lui, non, il ne faut pas avoir peur de la Chine. Victor Louzon, bonjour. Bonjour. Vous avez écouté ces arguments développés par Alain Perfit. Jamais les Chinois n'ont été expansionnistes, jamais ils n'ont colonisé, etc. etc. Ce discours-là, c'est un discours qu'on va retrouver dans la narration du récit national chinois. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la pastille de Perfit que vous venez de passer, que je ne connaissais pas, disons, à certains égards, reprend beaucoup d'éléments du récit national chinois depuis plusieurs dizaines d'années, et à d'autres, en fait, puise à un imaginaire un peu anxieux européen du péril jaune, et par ailleurs à des clichés sur une Chine repliée sur elle-même, qui sont des clichés beaucoup plus négatifs. Alors, donc on a une sorte d'hybridation un peu curieuse. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, il cite Zhou Enlai, qui était le premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui en fait lui sert dans les années 70 des arguments sur le caractère fondamentalement non belliqueux de la nation chinoise, qui sont des arguments qui sont déjà relativement bien établis dans la culture politique chinoise de l'époque. Avec cette question sur le grand récit chinois, c'est le titre de votre ouvrage, Victor Louzon, L'invention d'un destin mondial. Est-ce que cette narration est une narration continue ? Nous avons le discours du gouvernement chinois aujourd'hui, nous avons celui du temps d'Alain Perfit, nous en avons d'autres. Est-ce qu'il y a une continuité dans cette narration ? Alors, je pense qu'il y a des éléments de continuité, des éléments de nouveauté. Disons que ce à quoi on assiste, je pense, depuis une vingtaine d'années en Chine, et ça va tout simplement avec l'affirmation du pays sur la scène internationale, c'est à la composition de ce que j'appelle dans le livre, de ce que d'autres auteurs appellent aussi d'ailleurs, ce qu'on peut appeler un exceptionnalisme chinois. C'est-à-dire une manière de raconter l'histoire de la Chine par le pouvoir politique, je dis bien que je parle des usages de l'histoire par le pouvoir politique et pas du travail des historiens chinois, qui présentent la trajectoire historique de la Chine, et notamment ses rapports avec le reste du monde, comme une trajectoire exceptionnelle. Certains de ces éléments sont relativement anciens. Relativement anciens, il ne faut pas s'imaginer des éléments de discours vieux de 2000 ans. Relativement anciens, un siècle peut-être, et d'autres sont plus récents. Mais dans l'ensemble, on peut dire que cet exceptionnalisme chinois ou ce roman national chinois, il se développe comme partout à l'ère des nationalismes, c'est-à-dire en Chine au XXe siècle essentiellement. Oui, parce qu'il n'y a pas d'originalité absolue dans le fait qu'il y ait une instrumentalisation de l'histoire par un gouvernement, que ce soit en Chine, que ce soit chez nous, on le sait très bien, partout c'est ainsi. C'est plutôt les particularités qui peuvent nous intéresser avec l'histoire même de la Chine, où il n'y a pas un gouvernement chinois. Il y a une histoire de Chine avec des ruptures majeures, cette rupture qui met fin à l'empire au début du XXe siècle, et puis l'autre grande rupture, c'est la Chine communiste après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que là, on voit des articulations avec des changements de narration ? Oui, alors certainement, et il faudrait même en fait identifier une rupture un peu moins spectaculaire, mais en fait tout aussi importante pour le rapport à l'histoire, qui a lieu, pour aller vite, dans les années 90 du XXe siècle. Donc il y a vraiment une trentaine d'années qui est pas très vieille, et cette rupture, pour dire les choses simplement, c'est le fait qu'on dit, pour reprendre le titre d'un ouvrage chinois célèbre de 1995, on dit adieu à la révolution. C'est-à-dire que le XXe siècle chinois, qui avait été placé sous l'étoile de la révolution, d'abord républicaine en 1912 et puis communiste en 1914, se clôt en quelque sorte à ce moment-là, et le pouvoir politique chinois cesse d'essayer de faire la révolution, parce que le Parti communiste est toujours au pouvoir, mais en pratique il n'est évidemment plus un pouvoir révolutionnaire, et d'autre part, et ça va avec évidemment, hein, le Parti communiste chinois cesse de raconter l'histoire de la Chine comme une histoire qui tend vers la révolution. Et ça modifie complètement le rapport au passé. Parce que jusqu'aux années 80 incluses, pour dire les choses simplement, le passé ancien, le passé impérial chinois, même si évidemment de nombreux Chinois, y compris au parti, pouvaient en être fiers, était quand même ce avec quoi il fallait rompre, l'ancien régime qu'il fallait rejeter pour se projeter vers un avenir radieux, quelle que soit la manière dont on imagine cet avenir. À partir du moment où l'horizon révolutionnaire se dissipe, en quelque sorte, hein, même si c'est à demi-mot, dans les années 90, après Tiananmen, pour dire les choses, on peut dire ça comme ça, à partir du moment où cet horizon se dissipe, le Parti communiste va cesser de se présenter comme le fossoyeur d'un passé archaïque à laisser derrière soi, et va se présenter plutôt comme le restaurateur d'un passé glorieux. Et donc, la manière dont le régime se rapporte à l'histoire chinoise change, et on passe d'un récit révolutionnaire, d'un arrachement au passé, au récit qui est le récit d'une renaissance, en fait. C'est-à-dire l'idée que le parti doit être l'opérateur, disons, de retrouvailles avec les éléments les plus glorieux du passé chinois, y compris les phases, disons, les plus positives des rapports entre la Chine et le monde, qui sont les phases dont je parle dans ce livre. Est-ce qu'on va retrouver à peu près le même phénomène au début du XXe siècle, en 1911-12, quand est instaurée la République de Chine et que l'Empire disparaît, avec cette idée qu'il faut à la fois rejeter ce qui avance, ce qui est tout à fait logique, mais malgré tout conserver un prestige lointain. C'est toujours très ambigu, en fait, ce jeu de rupture où faut rejeter ce qui était avant, mais il faut quand même garder ce qui peut être bénéfique pour le pouvoir. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans les années 10-20, il y avait une expression qui circulait parmi les historiens donc de la jeune république chinoise qui était « il faut réarranger le passé national » ou « réarranger les antiquités nationales ». Ça ne veut pas dire tout rejeter, mais ça veut dire refaire un choix dans le passé chinois, pour écrire un récit qui, d'ailleurs, puisqu'on est après l'effondrement de l'Empire, va être un récit national. Et oui, c'est ça, parce que la vraie question, et vous venez de l'évoquer avec ces deux mots, cet empire et cette nation, c'est là-dessus que se joue toute l'ambiguïté. Empire, nation, c'est pas la même chose. Et nation signifie une identité nationale. C'est un peu tout ce travail de l'instrumentalisation de l'histoire qu'on trouve partout dans le monde, c'est unifier la nation, créer une identité nationale. Dès qu'il y a nation, il y a vraiment besoin d'utiliser l'histoire un peu plus qu'avant. Tout à fait. Alors en fait, le régime impérial chinois utilisait copieusement l'histoire, mais d'une manière tout à fait différente. Alors c'est peut-être une petite digression, mais qui n'est pas forcément inutile. L'Empire chinois, et ce pendant des siècles et des siècles, a connu des histoires officielles. Et l'histoire officielle était écrite par la dynastie, par les historiographes officiels de la dynastie en place, mais on écrivait l'histoire de la dynastie précédente, de la dynastie qui était tombée. Pourquoi ? Parce que la légitimité des dynasties chinoises reposait sur un principe évidemment théorique, mais qui est celui qu'on appelle du mandat céleste. Toute dynastie tient son pouvoir du ciel, l'empereur est fils du ciel, connaît une période glorieuse et puis ensuite une période de décadence à la fois pratique et morale. Et ensuite elle est remplacée, quand elle est bien décadente, elle est remplacée par une autre dynastie qui prend le pouvoir par la force, mais parce que cette dynastie a reçu le mandat céleste. Et donc par définition, une dynastie ne peut pas écrire sa propre histoire parce qu'il faudrait qu'elle s'enterre elle-même et qu'elle raconte la perte du mandat céleste par elle-même, ce qui n'est pas possible. Donc on écrit toujours l'histoire de la dynastie précédente. Avec le passage à la nation, pour aller vite, le sujet de l'histoire cesse d'être la famille régnante et le fait qu'elle obtienne puis perde le mandat céleste, le sujet de l'histoire devient une nation chinoise qui traverse les âges. Pendant, alors on va dire, à partir des années 20-30 pendant 5000 ans. Ce thème qu'on retrouve aujourd'hui dans l'histoire de Xi Jinping d'ailleurs. Ouais, 5000 ans d'histoire, ça le fait quand même, hein, ça fait sérieux dans une narration historique sur le long terme, avec un mandat céleste pour les empereurs. Là aussi c'est du sérieux, et puis il y a ce mot universel qu'il faut peut-être apporter dans ce discours, parce que ça explique le rapport de la Chine aux autres. C'est vrai que quand on est empereur avec un mandat céleste, bien d'un seul coup il y a comme une sorte, pas de domination, mais d'évidence d'être au-dessus des autres dans cette longue histoire de la Chine impériale. Et là, c'est pas la Chine d'aujourd'hui, c'est la Chine impériale qui était universelle. Oui, alors, le rapport du pouvoir chinois et de son histoire et l'universalisme est une question extrêmement compliquée. Mais disons qu'à l'époque impériale, l'idée du mandat céleste, en effet, implique une forme, disons, de suzeraineté universelle, tout à fait théorique, hein, de l'empereur chinois sur le monde, pour une raison très simple, hein, en tout cas sur le monde civilisé. C'est important, c'est qu'il n'y a qu'un seul ciel, et donc il n'y a qu'un seul fils du ciel, et que donc il n'y a qu'un pouvoir suprême qui est détenu par l'empereur de Chine. Alors, ça c'était central dans l'idéologie, disons, du régime chinois impérial et de ses rapports avec le monde extérieur. En pratique, ça autorisait tous les accommodements pragmatiques, évidemment. On a des exemples très clairs à la fin du XVIIe siècle, par exemple, l'empire chinois signe, enfin l'empire sino-manchou signe un traité avec l'empire de Russie de délimitation des frontières, c'est un traité d'État à État. Donc, en théorie, on ne peut pas reconnaître une autre entité comme égale. En pratique, évidemment, en fait, on s'arrange hein, en fonction des rapports de force. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XXe siècle, l'évolution de cet universalisme va connaître des péripéties. Disons que pour dire les choses simplement, quand on passe à la nation, on passe par définition à un récit particulariste. Il y a une nation chinoise, elle peut être particulièrement glorieuse, mais c'est une nation parmi d'autres. Hein. C'est plus le siège du fils du ciel. Hein. Ensuite, on passe au communisme en 1949. Le communisme est évidemment un récit à prétention universelle, puisque la révolution était censée devenir mondiale à un moment. Alors évidemment, en Asie, les communismes sont aussi des mouvements de libération nationale, mais néanmoins, l'horizon ultime est une unification du genre humain et la disparition des États et des nations. Et puis, à partir de ce pivot, encore une fois, on simplifie, mais des années 90 du XXe siècle dont je parlais, on peut dire qu'on repasse en Chine à un discours intensément particulariste. Et je pense que l'exceptionnalisme chinois, c'est-à-dire le récit national chinois, le récit de la mondialisation chinoise en quelque sorte, hein, que je présente un petit peu dans ce livre-là, qui contient à Pékin aujourd'hui, est un récit particulariste, au sens où on présente la Chine comme obéissant à des lois historiques tout à fait singulières, la Chine comme exceptionnelle. Et oui, parce que la Chine est exceptionnelle en soi, déjà comme objet d'étude. Le grand récit chinois, l'invention d'un destin mondial que vous publiez, Victor Louzon, chez Talendier, c'est cette analyse d'un récit qui nous conduit évidemment dans l'histoire. Et là, on se rend compte, oui, c'est sûr, c'est un passé glorieux. Cheng Ho entreprit sa première expédition dans les mers occidentales en 1405. Et il effectua sa septième et dernière expédition en 1433. Et après cela, il n'y en a plus eu. L'Occident n'a commencé ses voyages vers l'Est que 80 années plus tard. Si l'on en juge d'après l'envergure des expéditions, le matériel des équipages, l'architecture des bateaux, leur mode de construction et les techniques de navigation, il est très probable qu'à l'époque de Cheng Ho, la Chine était très en avance sur le reste du monde dans le domaine de la navigation. Un extrait du documentaire Capitalisme de Ilan Ziv en 2014, avec ici toute une réflexion sur la notion même d'exploration. Victor Louzon, alors qu'en est-il de l'exploration dans le discours lié à l'histoire hein, par le parti au pouvoir, par le pouvoir chinois, de dire la Chine n'a été pas un explorateur conquérant? Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut revenir brièvement à ce qu'on disait il y a un instant sur la question du rapport à l'universel et au particulier. À partir des années 90, comme je vous le disais, on se remet en quelque sorte à écrire l'histoire de Chine, non pas comme obéissant aux règles universelles du marxisme, mais à des particularités exceptionnelles de l'histoire chinoise. Simplement, depuis une petite vingtaine d'années, comme la Chine est devenue une puissance mondiale, elle met l'accent sur l'histoire de ses rapports avec le reste du monde. Et là, il y a une ambiguïté. Est-ce qu'on va mettre l'accent sur, disons, la singularité absolue de la Chine, mais dans ce cas-là, on verrait mal la particularité, enfin, comment dire, la contribution qu'elle pourrait apporter au reste du monde, ou est-ce qu'on va plutôt mettre l'accent sur le fait que la Chine s'est projetée vers l'extérieur? Et la manière dont, disons, les usages politiques du passé, par le parti aujourd'hui, répondent à cette contradiction, c'est qu'on construit en quelque sorte des contre-récits de la mondialisation qui vont présenter la Chine comme ayant été, disons, l'actrice dans le temps long d'une mondialisation vertueuse et d'une mondialisation qui, contrairement à celle de l'Occident, n'a pas consisté à imposer son modèle, mais s'est faite dans des rapports gagnant-gagnant avec l'extérieur. Et parmi ces contre-récits, évidemment, un des plus importants, un des plus efficaces, c'est le récit de Zhang He, donc Chen Ho, dans l'extrait qui nous a été présenté, qui est ce fameux, disons, pendant chinois des grands explorateurs, hein, qui est ce navigateur qui est parti au début du XVe siècle prendre la mer sur ordre de l'empereur. Donc, 80 ans, je crois, avant les Portugais, comme disait l'extrait. Alors, cette figure de Zheng He, elle est extrêmement intéressante. Donc, pour rappeler les faits, peut-être brièvement, hein, Zheng He, on l'appelle amiral, mais c'est un abus de langage, c'est un eunuque de la maison impériale, à l'époque de la dynastie des Ming, de l'empereur Yongle, qui, à partir de 1405, prend la tête d'une série d'expéditions. Il y en a eu 7 en tout, de 1405 à 1433. Expéditions maritimes absolument gigantesques, qui, pour certaines, pas toutes, mais ont amené les flottes chinoises jusque sur les côtes de l'Afrique orientale, et dans la péninsule arabique. Et qui, évidemment, a attiré l'attention des historiens chinois occidentaux parce que la coïncidence avec, donc quelques dizaines d'années plus tard, les voyages ibériques était extrêmement frappante. Ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, disons dans le roman national, la figure de Zheng He a connu une mutation très importante. À partir du moment où on se met à faire la comparaison, en gros, Zheng He, Christophe Colomb, pour dire les choses simplement, à la fin du 19e siècle, au début, Zheng He est considéré comme un Christophe Colomb raté. C'est-à-dire que les nationalistes chinois, qui naissent à l'époque en quelque sorte, hein, le nationalisme chinois déplore que la Chine n'ait pas eu son Christophe Colomb, encore perçu comme une figure héroïque, parce qu'on est aussi à une époque où la découverte, l'esprit de découverte, de connaissance, mais aussi l'esprit de conquête et de colonisation est considéré comme un élément essentiel de la puissance nationale et du dynamisme national. Et le fait que les expéditions de Zheng He n'aient non seulement donné lieu à aucune conquête, mais surtout aient été complètement enterrées après 1433, c'est-à-dire n'aient pas eu de suite, va être considéré comme une once nationale, ou en tout cas comme quelque chose d'extrêmement dommage. Et puis, depuis... Alors, on va dire une trentaine d'années, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. La figure de Zheng He va être réinvestie par, disons, le nationalisme chinois actuel. Au contraire, non pas comme un Colomb raté, mais comme un anti-Christophe Colomb. C'est-à-dire comme l'incarnation du fait que quand la Chine a pris les mers au début du XVe siècle, elle ne l'a pas fait dans une optique de conquête, de conversion, de pillage, d'exploitation, contrairement aux Européens, mais elle l'a fait dans une optique alors de... toutes les idéalisations sont possibles, hein, de contact entre les cultures, de dialogue, de curiosité, d'amitié, etc. Le fameux gagnant-gagnant, le win-win, qui est au centre du discours diplomatique chinois actuel, même si la réalité est bien sûr plus compliquée. Quel écho avec notre actualité dans un monde mondialisé où il y a ce bras de fer de mondialisation, de présenter la Chine comme pouvant offrir une mondialisation douce, calme et pacifiée. Et vous le dites bien, hein, Victor Louzon, vous n'êtes pas en train de critiquer le travail des historiens chinois qui sont des historiens et qui font leur travail. C'est plus une analyse sur l'instrumentalisation de l'histoire par le pouvoir. Hein, c'est bien ça. Donc, ça se concrétise comment d'ailleurs cette narration-là, ben, par exemple, autour de ces grandes figures héroïques? Oui, tout à fait. Alors, on pourrait même aller encore plus loin et dire qu'on pourrait parler d'instrumentalisation ou tout simplement d'usage politique du passé, ce qui se fait évidemment partout. La différence, c'est que bien sûr, on a affaire à un régime autoritaire. Si on a affaire à un régime marxiste-léniniste qui a donc un rapport de contrôle à l'histoire extrêmement étroit, même si le contenu du récit historique a changé. Et on a affaire à la Chine de Xi Jinping en particulier, qui depuis une dizaine d'années, disons, exerce un contrôle particulièrement étroit sur les coordonnées du récit historique officiel, en quelque sorte. Et donc, ces usages, ils sont extrêmement variés. On va retrouver des mentions, par exemple, si on prend la figure de Zheng He, dont on parlait, dans des discours. Il est par exemple, extrêmement courant que des diplomates chinois, c'est même devenu une banalité, hein, quand ils font des discours en Afrique de l'Est, mentionnent la figure de Zhang He. C'est presque un passage obligé maintenant. Parce que il avait été jusqu'en Afrique de l'Est avec sa flotte, jusque aux côtes somaliennes, et donc il y a ce lien avec l'Afrique qui évoque aujourd'hui la politique chinoise de s'installer et de tisser des liens de plus en plus étroits avec les différents pays d'Afrique. C'est vrai qu'il y a un écho, mais c'est fascinant de voir comment, de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, une telle figure évolue. Moi, je vous pose la question, mais qu'en est-il des historiens eux-mêmes qui travaillent sur ces sujets-là? Ils bossent de leur côté, et puis après, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est presque comme chez nous, hein. Ils voient un usage de toute la recherche. Vous voulez dire les historiens chinois ? Oui. Oui, tout à fait. Sauf que, évidemment, comme le régime est très différent, vous avez des effets de, disons, parfois de chevauchement entre le champ politique et le champ académique qui sont plus forts. Et je vais vous donner un exemple dont je ne parle pas dans le livre, mais qui est un exemple récent très intéressant. Il y a quelques années, le pouvoir politique en Chine a créé une académie de l'histoire qui est en fait une institution qui est censée centraliser les recherches historiques. Donc vous voyez, le contrôle sur le récit historique est quand même en train de se resserrer. Et cette grande académie de l'histoire, elle a été confiée à un historien qui est également membre du parti, qui est au comité central du Parti communiste, qui est quelqu'un d'extrêmement puissant, qui est spécialiste des époques Ming et Qing, c'est-à-dire 14e, 19e siècle, pour dire les choses rapidement. Et cet historien, il est spécialiste des politiques de fermeture au commerce maritime et au contact maritime de la Chine à cette époque-là. Ces fermetures n'ont pas été permanentes, mais elles ont été récurrentes quand ces politiques de fermeture. Or, cet historien, il ne fait pas que l'histoire, il fait aussi de la politique, parce que cette politique de fermeture récurrente, il la défend. Il pense que, c'était une bonne idée, une super idée. Alors que l'historiographie chinoise, dans son ensemble, tendait plutôt à considérer que c'était, si ce n'est une erreur, du moins un signe de repli assez inquiétant. Pourquoi il fait ça, cet historien ? De toute évidence, parce que ces politiques de fermeture et de contrôle ont un écho avec un certain nombre de politiques de la Chine de Xi Jinping depuis quelques années. La guerre commerciale avec les États-Unis, bien sûr, ça vient aussi des États-Unis, hein, je ne dis pas que c'est que la faute des Chinois du tout. La politique zéro Covid, le contrôle plus étroit des contacts avec l'étranger, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez des historiens professionnels qui font de la politique aussi en Chine. Mais vous me direz, c'est vrai chez nous. C'est vrai chez nous aussi, avec dans ce récit, toujours cette idée de Chine ouverte, Chine fermée, qui nous conduit à un moment particulier de l'histoire. Eh bien, c'est le moment où la Chine est trop fermée aux yeux des Occidentaux, les guerres de l'opium. À l'abri du demi-jour, les lanternes qui se voilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour. Dans le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Opium, fumée cruelle. Poison menteur, c'est toi qui nous révèles le néant de notre cœur. S'il faut sur cette terre chasser tous les démons, chassons cette chimère. Au début des années 1930, Marcel qui chante Opium, repris un peu plus tard évidemment par Jacques Dutronc, Opium dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Daphné Leblond, avec aujourd'hui à la technique Michael Simon. Aujourd'hui nous nous intéressons à la manière dont la Chine raconte son histoire au monde. Avec vous Victor Louzon, le grand récit chinois, l'invention d'un destin mondial que vous publiez avec toutes ces questions les unes après les autres, la route de la soie a-t-elle existé, etc. Nous avons déjà évoqué la vocation universelle et puis là, au moment de parler de l'opium, c'est l'humiliation. Les Chinois auraient été humiliés au 19e siècle et c'est le moment des guerres de l'opium qui se terminent en 1860. On en est où aujourd'hui de ce récit-là ? Alors ce récit-là, Alors déjà, c'est un récit qui n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il a été central dans la construction du nationalisme chinois tout au long du XXe siècle. Mais il faut de nouveau, en quelque sorte, remonter aux années 90 du XXe siècle. Je pense que c'est vraiment une décennie fondamentale pour la manière dont le Parti communiste raconte cette histoire. Et encore une fois, de manière grossièrement simplifiée, le Parti communiste chinois racontait jusque-là l'histoire des guerres de l'opium comme l'histoire, disons, du choc, de la percussion inévitable d'un capitalisme agressif, impérialiste, en expansion, mais qui représentait le sens de l'histoire, avec un empire chinois assoupi, décadent, archaïque, féodal, on disait dans le vocabulaire communiste standard. Et puis, à partir des années 90, comme en fait le marxisme cesse en quelque sorte d'organiser le récit historique du Parti communiste chinois, on va davantage, quand on va parler des guerres de l'opium et du 19e siècle, mettre l'accent sur la dimension psychologique de l'humiliation nationale. Et c'est d'ailleurs, vous demandiez comment ça se traduisait concrètement, hein, ces usages politiques du passé. Là, en l'occurrence, ça se fait dans le cadre d'une campagne politique tout à fait assumée, explicite, qu'on appelle la campagne pour l'éducation patriotique, hein, qui est lancée en deux temps, hein, 1991-1994, et campagne dans laquelle, disons, les guerres de l'opium et l'humiliation que les élèves, notamment du secondaire, et du primaire sont appelés à ne pas oublier, devient absolument absolument centrale. Et ce qui est intéressant pour l'usage actuel du passé, c'est que ce récit de l'humiliation nationale, qui sert bien sûr de ciment patriotique, est aussi une justification, disons, de ce qu'on peut appeler le souverainisme intransigeant de la Chine, hein, son refus de transiger sur la question de souveraineté nationale, qui est justifié en quelque sorte, hein, par les empiètements occidentaux puis japonais du 19e siècle. Nous voyons bien dans ces usages politiques de l'histoire qu'il y a plusieurs objectifs dans le cas de l'humiliation. C'est aussi réfléchir à la Chine ouverte, fermée, le rapport aux autres. Et puis, dans tous les cas, c'est cimenter la nation, c'est créer un récit commun. On voit bien que, quels que soient les éléments que l'on traverse, quel que soit l'objectif, il y a quand même systématiquement, on vit tous ensemble, nous avons la même histoire. Oui, et ça, c'est le propre de tout roman national. Mais la particularité, évidemment, de moi, ce que j'explore dans ce livre, c'est que désormais, la Chine est une puissance mondiale. Et qu'une puissance mondiale ne raconte pas son histoire de la même manière, et notamment ne raconte pas son histoire au monde de la même manière qu'une puissance régionale, locale, ou qu'un petit pays. Hein. Désormais, il faut que cette histoire ait valeur topique, en quelque sorte. Il faut qu'elle ait valeur, disons, valeur exemplaire à certains égards pour le reste du monde, ou en tout cas pour justifier la politique étrangère chinoise dans le reste du monde. Et là, on parlait de la question de l'humiliation. Bon, la Chine est membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a été extraordinairement réticente dans les années 90-2000 à l'égard de toutes les tentatives post-guerre froide de relativiser la souveraineté nationale. De dire, voilà, la souveraineté nationale, c'est important, mais les droits humains, c'est important aussi, et la souveraineté nationale des États pourrait être conditionnée dans une certaine mesure, déjà à leurs engagements internationaux et à la protection des droits individuels. Bon, le Parti communiste chinois a toujours été extrêmement réticent envers, disons, toute relativisation de la souveraineté, et à l'appui de cette réticence, elle mobilise le souvenir des empiètements, de l'humiliation du 19e siècle. Avec une histoire qui puise dans des passés lointains, vous venez d'évoquer, Victor Louzon, l'ONU. Bah, moi, je vous propose en retour l'UNESCO. Pour un Mao Tse-tung, pour un Kuomojo, premier érudit et archéologue de son pays, il est impensable de jeter par-dessus bord toutes les créations de la littérature chinoise. Au contraire, au lieu de les proscrire, il s'agit de les diffuser, de les rendre accessibles au peuple. Et en effet, le roman classique, le théâtre chinois, les grands poètes et jusqu'aux ouvrages de l'érudition n'ont peut-être jamais atteint depuis qu'ils existent des tirages aussi considérables que depuis 1949. Les livres quittent à peine la presse, qu'ils sont déjà épuisés. Il en va de même des beaux-arts et de l'archéologie. Les joyaux de la peinture traditionnelle sont à l'honneur et les revues spécialisées parviennent difficilement à reproduire tous les monuments mis à jour par d'innombrables fouilles, favorisées par les grands travaux publics. Le nouveau régime, au moins aussi susceptible et plus conscient sur le plan culturel que ses prédécesseurs, ne peut pas et ne veut pas renoncer au bénéfice d'un héritage qui est à juste titre considéré comme le ressort principal de la fierté nationale. Oui, fierté nationale présentée en 1960 pour ce patrimoine chinois mis au jour par les travaux publics. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Emmanuel Linco, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et dans cette réflexion que nous avons sur la manière dont la Chine raconte son histoire au monde, il y a le patrimoine. C'est un élément majeur. Oui, c'est un élément majeur en effet. Mais ce qui est tout à fait contradictoire déjà dans les documents que vous avez saisis, et notamment le premier, celui ayant trait à la déclaration d'Alain Peyrefitte, c'est de voir les effets de loupe je dirais la cécité même des contemporains par rapport au régime communiste chinois à l'époque de Mao Tse-tung. Hein, pour reprendre un certain nombre de choses avant que cela ne nous échappe, lorsqu'Alain Peyrefitte insiste sur le côté pacifiste de la Chine de toujours, c'est évidemment faux. Il suffit de regarder une carte de la Chine et d'étudier ses toponymes pour voir que la Chine, sur ses marges en particulier, que ce soit vis-à-vis de ce que l'on appelait encore au début du XXe siècle le Turkestan, ou bien vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est, donc la Nan littéralement, toutes ces régions ont été pacifiées, entendez, par les armes et par la culture. Donc la Chine n'est absolument pas sur le temps long pacifiste comme on le croit. Et d'un point de vue du patrimoine, ce qui est piquant à rappeler, évidemment, c'est que ce parti communiste, en définitive dans les années 60, avec la révolution culturelle, qui, on le sait, commence en 1966, mais il y a déjà des prémices de cette mise au pas systématique de la scène culturelle et artistique en Chine, bien des années plus tôt, dès l'instauration du régime communiste en 1949. Ce parti communiste chinois va donc s'échiner à vouloir détruire les témoignages du passé. Toutes les régions de la Chine, y compris celles plus récemment occupées comme le Tibet, ont été victimes évidemment de violences inouïes, de destruction de monastères. Le seul Tibet, on le sait, a vu entre 1966 et 1976 près de 9000 monastères détruits. Donc c'est une violence extrême, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que le régime, évidemment, oublieux de son histoire, d'une histoire évidemment dérangeante, passe systématiquement sous silence les crimes nombreux qui ont été perpétrés par le régime. Rappelons au moins quatre crises d'importance. Le mouvement des sans-fleurs de 1956 à 57, le grand bond en avant de 58 à 62 avec ses 40 millions de morts. L'historien censuré en Chine, Yang Tisheng, en fait état précisément dans son ouvrage traduit et édité aux éditions du Seuil et qui s'intitule Stèle, et puis enfin la révolution culturelle, sans oublier Tiananmen. Hein. Et donc le bilan, grosso modo, c'est 80 millions de morts. Et pour toutes ces crises, évidemment, le régime communiste ne s'est jamais excusé et établit avec le dirigeant actuel Xi Jinping une sorte de continuum historique, comme cela a été rappelé, entre la Chine impériale et la Chine d'aujourd'hui, un peu d'ailleurs en suivant une trajectoire parallèle à celle de la Russie, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est la conciliation des contraires, et c'est ici, en l'espèce, la conjugaison entre l'histoire impériale et un régime se réclamant du marxisme-léninisme. Et c'est une façon aussi, sur le plan idéologique, de réhabiliter, on le sait, le néo-confucianisme et de l'associer au marxisme-léninisme. Donc ça donne lieu, évidemment, à une idéologie tout à fait inédite et intéressante, et qui a évidemment des prétentions universelles. Et oui, surtout dans un monde extrêmement mondialisé. C'est vrai que je disais que l'usage politique de l'histoire en Chine, rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est partout pareil, et qu'un gouvernement ne mette pas en avant ses crimes, c'est aussi assez logique dans un usage politique de l'histoire. Avec ce paradoxe que vous avez souligné, Emmanuel Linco, et avec justesse, l'horreur qu'a pu être la révolution culturelle et la destruction du patrimoine, et dans le même temps, la mise en avant de certains éléments du patrimoine. Et c'est là où on voit cet usage politique extrêmement fin du patrimoine. Qu'est-ce qui est mis en avant ? Vous avez travaillé un géopolitique du patrimoine, et pas seulement en Chine, dans un espace beaucoup plus large. Qu'est-ce qui est mis en avant dans le patrimoine ? Ce qui est mis en avant, c'est sous la forme d'une interprétation, je dirais désormais, racialiste de l'histoire chinoise. Donc avec des a priori qui sont les suivants, ce sont les dynasties Han, à proprement parler, dont l'histoire va être exaltée. Je pense évidemment aux Song, parce que les Song auraient tout inventé ou presque, de la poudre en passant par le sextant, que sais-je encore, ou bien la dynastie des Ming, qui, comme son nom l'indique, peut vouloir désigner la notion de renaissance, de lumière, comprenez, de renaissance d'un point de vue de la reconstruction identitaire par rapport à la dynastie précédente, qui était une dynastie d'origine étrangère, les Mongols. Et il se trouve que la dynastie Yuan des Mongols, et il se trouve que sur le temps long, précisément, les dynasties d'origine étrangère sont, dans le discours historiographique chinois actuel, de plus en plus systématiquement sinisées. Cela signifie aussi que désormais ces minorités ethniques, comme on les appelle en Chine, les Minsu, tels que les Mongols, ou bien les Ouïghours, ou bien les Tibétains, sont relégués à un rang tout à fait subalterne et mis finalement sur un pied d'égalité avec des minorités montagnardes telles que les Miao ou les Dai ou les Bai, par exemple, dans le Grand Sud, dans la province du Yunnan. Et ce, je dirais, en marginalisant volontairement le grand récit impérial, par ailleurs, qui fut aussi celui des peuples mongols, tibétains ou ouïghours, précisément. Et cela va de pair, dans la Chine de Xi Jinping actuelle, avec la perpétuation d'un désir d'éradiquer ces identités situées sur les marges de la Chine, et notamment avec la destruction, pour ne citer qu'un exemple, de l'oasis ouïghour de Kashgar à la frontière du Pakistan. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que, en réalité, nous assistons à une forme de sinisation à marche forcée qui va de pair, encore une fois, avec une exaltation patrimoniale proprement Han et aux dépens des autres. Voilà, c'est ce qui est Han qui est mis en avant dans ce patrimoine. Et pour rappeler que la Chine est le pays qui compte le plus de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Victor Louzon, sur ce rapport à la diversité, je pense aux Ouïghours, mais c'est vrai qu'il y a d'autres, mais les Ouïghours dans l'actualité avec ce phénomène génocidaire, cette répression d'une violence inouïe menée par le gouvernement chinois, quelle place dans un discours national sur la diversité historique de ce pays ? Je pense que ce dont il faut partir historiquement, et donc pour en quelque sorte prolonger ce que vient de dire Emmanuel Linco, c'est que la Chine, comme quelques autres États, qui ne sont pas si nombreux que ça en fait dans le monde, est une entité qui se veut un État-nation, mais qui hérite des frontières d'un empire continental. Je pense que ça, c'est fondamental. Et ce basculement, il se fait, disons, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et c'est vrai que, comme le disait Emmanuel Linco à l'instant, il faut bien voir que l'empire chinois, l'empire sino-manchou, parce que la dernière dynastie était, disons, manchou, en grande partie sinisée, est un empire qui s'est évidemment constitué par la violence et la conquête, comme tous les empires. Violence qui a pu être extrême au XVIIIe siècle, dans le nord du Xinjiang actuel, par exemple, mais qui, comme tous les empires aussi, reposait sur une diversité interne qui, si elle n'était évidemment pas égalitaire, on n'est pas à l'époque des droits de l'homme, était reconnue. Elle était reconnue et il y avait notamment l'idée, dans l'empire Qing, que différents peuples pouvaient être gouvernés selon différentes lois. Et que tout le monde n'était pas absolument soumis à la même enseigne, puisque l'Empire chinois, c'était pas la nation chinoise. Et d'ailleurs, ça s'appelait pas l'Empire chinois. L'Empire portait le nom de la dynastie, qui était une dynastie manchoue, et puis la Chine était en quelque sorte le plus gros morceau, si je puis m'exprimer ainsi, de l'Empire Qing. À partir du moment où on réinvente en quelque sorte les fondements de la légitimité politique au XXe siècle sur le principe national, c'est-à-dire que la Chine devient la Chine de la nation chinoise, la souveraineté devient la souveraineté de la nation chinoise, alors la question se pose de manière assez délicate de savoir ce qu'on fait des frontières impériales. Puisque si le principe de la souveraineté est national et non pas dynastique, alors est-ce que les Tibétains, par exemple, sont une nation ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont le droit à l'autodétermination ? Est-ce que les Mongols sont une nation ? Est-ce qu'ils ont le droit à l'autodétermination ? Et quand l'Empire s'effondre à la fin de 1911 et est remplacé par la République au début de 1912, par exemple, le Tibet et le Tibet et la Mongolie extérieure déclarent leur indépendance parce qu'ils estiment qu'ils ont droit au principe d'autodétermination nationale et que par ailleurs, ils n'auront plus leur place dans une nation chinoise où ils sont voués à devenir des minorités. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. La majorité des dirigeants républicains chinois vont vouloir en fait conserver les frontières de l'Empire, malgré le discours, disons, qui est désormais centré sur la nation chinoise. Ils ne vont pas vouloir renoncer aux conquêtes de la dynastie Qing, qui a tant étendu la Chine au XVIIIe siècle et lui a annexé le Tibet, le Xinjiang, la Mongolie depuis le XVIIe siècle, etc. Et en fait, cette tension, on y est encore. Et une des manières de répondre à cette tension, c'est la sinisation forcée. Et c'est la tendance actuelle. C'est la tendance actuelle avec cet argument historique qui dit que la Chine n'a jamais été un pays colonisateur. C'est le propos porté par le pouvoir chinois. Petit tour au Tibet. Les Chinois ont déjà pris possession de la majorité des régions frontalières du Nord. Ils ont mis à sac un village, détruit les monastères, brûlé les textes sacrés et mutilé les saintes reliques. On dit même qu'ils ont été jusqu'à tuer des moines. Quel village ? Tartl, en Amdo, là où sa sainteté est née. Que se passe-t-il ? Il apparaît que les troupes chinoises ne sont plus loin de notre frontière. Où est sa sainteté ? Les champs servant traditionnellement au pique-nique des familles tibétaines ont été aplanis pour permettre la construction d'une piste d'atterrissage afin que puissent se poser les trois généraux venus de Chine. Non loin de là, l'armée tibétaine effectue ses manœuvres. Certains soldats sont affublés de côtes de mailles. En guise d'artillerie, de vieux mousquets, des javelots. Le spectacle d'une nation pacifique s'essayant vainement au militarisme. Le film « 7 ans au Tibet » de Jean-Jacques Hano, 1997. Emmanuel Linco, dans le cas du patrimoine, on l'a bien dit, hein, certains sites sont mis en avant, surtout s'ils sont liés à une lecture que souhaite le pouvoir. Qu'en est-il de cet autre patrimoine, celui qui gêne, qui déplaît? Là, on était au Tibet, mais vous avez travaillé sur la Chine et les terres d'islam, un millénaire de géopolitique que vous avez publié aux Presses universitaires de France. Qu'en est-il ? Eh bien, justement, j'y ai répondu, notamment par rapport à Kashgar, en Chine, donc musulmane ouïghour. Ce qui est très intéressant, par ailleurs, et on n'en a pas encore parlé, c'est de voir comment la Chine se donne aussi les moyens, sur le plan de l'archéologie, d'intervenir dans les pays voisins, précisément, aujourd'hui musulmans et depuis longtemps, pour justifier, précisément, par l'archéologie, une présence supposée multiséculaire. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait intéressant de voir que les Chinois sont de plus en plus présents dans le domaine de l'archéologie, dans des pays voisins tels que l'Asie centrale. Et ce sont des choses évidemment qui sont plus marginales dans nos observations d'occidentaux, parce que on s'intéresse davantage évidemment à l'évolution géopolitique de la région, avec, il faut le rappeler, la semaine dernière, par exemple, le sommet Chine-Asie centrale qui a réuni les anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale dans l'ancienne capitale impériale de Chine. Évidemment, le symbole est tout trouvé. Et néanmoins, indépendamment, je dirais, de ces aspects proprement politiques, vous avez un travail de fond, un travail d'approche culturelle qui vise précisément à fédérer par des moyens gigantesques, financiers tout d'abord, les chercheurs chinois et les chercheurs de l'Asie centrale pour justifier par l'histoire et l'archéologie, évidemment, le bien fondé du projet assigné par Xi Jinping que sont les nouvelles routes de la soie. Et donc, vous avez notamment dans la vallée du Fergana, dans l'est de l'Ouzbékistan, un très grand nombre d'archéologues chinois. Il y a aussi des fouilles organisées au Kazakhstan. Bon, quelque part, c'est pas nouveau non plus. Hein. Je veux dire par là qu'il y eut un orientalisme européen précurseur de cet intérêt pour ces régions, bien sûr. Mais dans ce domaine-là aussi, domaine très sensible s'il en est, l'archéologie est instrumentalisée et devient un enjeu de pouvoir. Ça, c'est évidemment très intéressant. Et ce qui est très intéressant en retour et en réaction, je dirais, c'est que autant les Ouïghours, on le sait, donc sont persécutés par le gouvernement central chinois avec une destruction systématique de leur patrimoine, autant d'autres peuples turcophones de la région tels que les Ouzbeks, quant à eux, évidemment, privilégient, je dirais presque par surenchère nationaliste, la reconstruction et la restauration de leur patrimoine monumental. Donc vous allez à Riva, Bukhara, Samarkand, toutes les madrassas, écoles coraniques ou mosquées de l'époque des Timourides en témoignent. Et là aussi, mais sur un mode à la fois parallèle et évidemment de différenciation identitaire, les Ouzbeks, et c'est un cas d'école, cherchent aussi à établir un grand récit national qui insiste avant tout sur la période timouride, hein, et une période timouride, on le sait d'ailleurs historiquement, qui prend fin avec la campagne avortée militaire que devait engager Tamerlan précisément contre l'empereur de la dynastie Ming, contre la Chine qu'il espérait envahir. Hein. Donc ça, c'est très intéressant de voir aussi la juxtaposition de discours qui sont finalement assez identiques d'un point de vue des fondamentaux, mais avec bien sûr une volonté de s'affirmer, et de s'affirmer sur un mode néo-impérial, hein, bien sûr. Et l'Empire, on le sait bien, même s'il y a quelques exemples qui ont été rappelés par Victor, notamment dans les tractations diplomatiques opérées d'ailleurs par la médiation des jésuites entre l'Empire tsariste russe et l'Empire sino-mandchou des Tsing, les frontières, on le sait, dans un empire, quel qu'il soit, il en va de même pour l'histoire européenne, sont extrêmement flexibles. C'est-à-dire que, pour user d'une métaphore, un empire tel un pneuma inspire et expire, et donc les frontières, évidemment, vous décrétez qu'elles passeront à tel endroit parce que la politique du moment l'exige. Et cette forme de révisionnisme historique qui habite toute la posture politique d'un Xi Jinping se traduit, on le sait bien, par la remise en question de frontières unilatéralement établies, il est vrai, notamment par les Britanniques sur l'arc himalayen, d'où les contentieux frontaliers qui opposent l'Inde à la Chine, dans la région du Ladakh, dans la région évidemment de l'Aksai Chin, qui reste aujourd'hui encore revendiquée comme étant territoire faisant partie de l'Inde, hein, et qui a été arraché militairement. Voici un beau contre-exemple justement de ce que la Chine n'est absolument pas pacifiste, qui a été arraché militairement par l'armée populaire de libération, donc l'armée communiste chinoise, en 1962, sans oublier évidemment un autre contentieux bien connu, que sont les contentieux insulaires qui opposent la Chine au Japon, ou bien, d'une manière plus prégnante encore, l'ensemble ou presque des riverains de la Chine en Asie du Sud-Est, autour des Paracels et des Spratley. Et donc le discours néo-impérial chinois du moment consiste à dire, évidemment, évidemment que cette région du sud de la mer de Chine a été de facto, historiquement, toujours chinoise. La preuve aussi par la désignation même de la mer dite de Chine, que les Vietnamiens, en revanche, appellent autrement, et que les Japonais, bien sûr, appellent autrement. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a une volonté de réinventer, en quelque sorte, une tradition impériale et de l'intégrer à un discours marxiste-léniniste qui a encore bel et bien des prétentions universalistes. Et puis on peut citer Taïwan, bien sûr, en plus avec dans ce monde-là, cette narration d'une histoire, un équilibre délicat, Victor Louzon, cet équilibre où l'Empire, bien sûr, peut très très bien dominer de plusieurs nationalités, enfin, c'est pas un souci, mais quand on a un discours de nation, c'est très compliqué de légitimer ça. Alors on a ce long discours, et vous l'expliquez bien dans le grand récit, d'une Chine qui n'a jamais colonisé, et là on vient de l'entendre, on sait bien que ce n'est qu'un récit, mais c'est compliqué aujourd'hui avec ce nouveau discours néo-impérial. L'étude nécessite beaucoup de finesse, en fait, ce grand récit chinois, c'est quelque chose à géométrie variable, vous le voyez, s'adapter, changer selon les besoins. Oui, c'est-à-dire que je pense que le livre s'appelle « Le grand récit chinois au singulier » parce que c'est plus simple et parce qu'il y a vraiment la construction d'un récit qui justifie la place de la Chine dans le monde, d'une sorte de contre-mondialisation à la chinoise qui se fait depuis, disons, 10-20 ans. Mais il est modulaire, ce récit. Il a des composantes et ces composantes, elles peuvent être plus ou moins activées en fonction des besoins du moment, en fonction aussi, bien entendu, des interlocuteurs. On parlait de la mobilisation de la figure de Zhang He en Afrique orientale. En Asie centrale, c'est le thème des routes de la soie qui est évidemment systématiquement mobilisé, ne serait-ce que parce qu'il est valorisant pour les interlocuteurs. Ça les place, disons, à un centre du commerce mondial à une certaine époque, même si c'est bien sûr un récit qui trouve son aboutissement en Chine. D'ailleurs, Emmanuel Lincoln le mentionnait à l'instant, le sommet Chine, Asie centrale, qui s'est tenu récemment, s'est tenu à Xi'an, qui est l'ancienne capitale des Tang, qui était évidemment un point d'aboutissement très important de ce qu'on appelle les routes de la soie. Donc oui, il est modulaire et on peut utiliser tel ou tel élément en fonction des besoins du moment. Et puis c'est ce récit qui est passionnant à étudier d'aujourd'hui pour saisir déjà l'histoire de la Chine, l'histoire d'un récit, l'histoire de l'actualité, tout simplement. On voit cette évolution. Merci vraiment à vous deux, Emmanuel Linco, et je rappelle, un géopolitique du patrimoine, ou encore Chine et terre d'islam. Et merci à vous, Victor Louzon. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université. Il y a ce passionnant grand récit chinois, l'invention d'un destin mondial. Ah bah oui, la mondialisation, elle est dans l'histoire aussi. Et nous poursuivons nos aventures. Mais alors là, c'est un nouveau récit, celui qui le porte. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment les Italiens sont devenus de bons immigrés? Aujourd'hui, il est largement admis que la France est un vieux pays d'immigration. Ce qui n'empêche pas que l'immigration soit toujours vue comme un problème, car on oppose fréquemment les bons immigrés d'hier aux mauvais d'aujourd'hui. Celles et ceux qui raisonnent de cette manière affirment que, dans le passé, les migrants se sont intégrés facilement parce qu'ils étaient européens et chrétiens, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui car les nouveaux venus sont africains et ou musulmans. Dans cette manière d'opposer le passé au présent, les Italiens occupent une place de choix. Les discours qui les présentent rétrospectivement, comme l'exemple type d'une immigration réussie, se heurte pourtant à des réalités que la recherche historique a bien établies. Il est vrai que beaucoup d'entre eux ont connu une réelle ascension sociale. Dans le monde du cinéma, Yves Montand, Ivo Livi de son vrai nom, Lino Ventura ou Fabrice Luchini incarnent cette réussite. Toutefois, ces exemples emblématiques masquent des réalités très éloignées des contes de fées. La principale tient au fait que les discours sur l'intégration réussie prennent en compte le point d'arrivée et non le point de départ. Or, la recherche historique a montré que la majorité des émigrés italiens qui ont séjourné et travaillé un jour dans l'Hexagone ne sont pas restés en France. Ceux-là ont donc refusé l'intégration en cherchant des lieux plus accueillants pour améliorer leur sort. La seconde raison qui invalide les discours sur l'intégration réussie des immigrés italiens, tient au fait que la plupart d'entre eux ont été recrutés pour exercer des métiers pénibles, mal payés et dangereux. Dans la Lorraine du Fer, la quasi-totalité des mineurs de fond étaient des immigrés, italiens ou polonais pour la plupart. Dans l'entre-deux-guerres, ces mines étaient parmi les plus meurtrières du monde. Plus d'un ouvrier sur deux était victime d'un accident du travail dans l'année et 5 sur 1000 étaient tués. Encore faut-il préciser que seuls les accidents ayant occasionné un arrêt de travail de plus de 4 jours étaient comptabilisés. Les médecins qui enquêtèrent sur la situation sanitaire de ces familles immigrées constatèrent la mortalité effrayante qui existait alors dans cette population, notamment parmi les enfants de moins de 5 ans. Un hygiéniste de l'époque, ayant observé que les bronchopneumonies atteignaient avec une sorte de prédilection les enfants d'Italiens, l'attribua à une prédisposition de race. Contrairement à ce qu'on entend souvent aujourd'hui, le terme de race ne fut donc pas appliqué uniquement à l'égard des immigrants issus de l'empire colonial. C'est un terme générique qui a servi depuis le XIXe siècle à désigner ceux qu'on appelait aussi les étrangers indésirables. Les Italiens alimentèrent ainsi pendant longtemps le stéréotype de l'immigré violent, ce qui alimenta une xénophobie qui s'est traduite par un grand nombre de crimes que l'on qualifierait aujourd'hui de racistes. Le paroxysme fut atteint à Aigues-Mortes le 17 août 1893, lorsque la foule déchaînée s'en prit aux travailleurs piémontais embauchés par la compagnie des Salins du Midi. 8 d'entre eux perdirent la vie et 50 furent blessés. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr, sur l'application Radio France et puis le pourquoi du comment à retrouver également en librairie. Mais nous poursuivons notre cours de l'histoire avec la joie de recevoir Valérie Hanin. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. L'Histoire qui s'intéresse aux Phéniciens. Les Phéniciens, Tyr, Sidon, Byblos, plein d'idées fausses à démonter. Oui, beaucoup d'idées fausses ou d'idées reçues, parce que en général, quand on parle des Phéniciens, on sait 2 ou 3 choses. Qu'ils ont été à la tête d'un, entre guillemets, empire sur la mer, une des premières thalassocraties de l'histoire, qu'ils ont, entre guillemets, inventé l'alphabet, et puis qu'ils ont fondé Carthage, la Punique, hein, et en 814. Alors ça, c'est attesté, hein, la fondation de Carthage. Pour le reste, les choses sont beaucoup moins claires. Hein, on les recherche, ces Phéniciens, on cherche un peuple, on cherche une appartenance commune, on cherche une souveraineté, et au fond, elle est un peu introuvable. Et c'est ce qu'on reprend dans ce dossier, notamment avec Françoise Bricquel-Châtonnet. Alors, où sont-ils? Ont-ils existé, hein, la recherche des Phéniciens ont-ils existé? La première mention, elle est en Égypte, on mentionne Byblos au 4e millénaire. Et puis quand même, ce sont les Grecs qui ont inventé, toujours entre guillemets, les Phéniciens. Hein, c'est Homère qui leur a donné leur nom. Pourquoi Phéniciens? Ça vient de phoenix, paraît-il, c'est-à-dire la pourpre, cette teinture rouge merveilleuse issue d'un broyat de coquillages qui abondait sur leurs côtes. Hein, et l'Antiquité gréco-romaine adorait cette couleur rouge. Et puis, c'est Hérodote qui va dire qu'ils ont inventé, popularisé l'idée qu'ils ont inventé l'alphabet. C'est Hérodote encore, notre père à tous, l'historien géographe génial du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui leur attribue ce territoire entre mer et montagne, et qui va faire d'eux, les Grecs sont très impressionnés par leur qualité de navigateur, des fondateurs d'un empire sur la mer. Alors aujourd'hui, on les voit très très différemment, parce qu'il n'y a pas eu d'empire sur la mer. Il y a bien des habitants des cités, c'est ce qu'on raconte, des cités qui sont à peu près sur le territoire du Liban actuel, des cités-états, et avec des gens qui sont effectivement d'excellents marins, qui sont des artisans hors pair, qui font du verre, mais ils n'ont pas inventé, avec des petits vases à parfum, avec des filets bleus et jaunes magnifiques, des objets d'ivoire, et qui ont été au fond des passeurs, qui ont tissé une toile admirable de comptoir, enfin admirable au sens où remarquable, dans la Méditerranée, comme en atteste leur artisanat, leur art, qui est aussi tourné vers la Mésopotamie. ils n'ont pas du tout été que sur la mer. Hein, on a fait une grande carte pour vous faire plaisir, Xavier. Ah, elle est magnifique, une double page. Voilà, une carte qui montre qu'ils sont au milieu de leur monde, face à la mer, mais aussi vers l'est, face à la Mésopotamie. Et d'ailleurs, ils disparaîtront quand Alexandre fera le siège de Tyr, hein, les habitants de Tyr, Tyr la grandiose, mettre à fin à l'histoire de ces cités-états, mais le commerce continuera en Méditerranée. Voilà, les Phéniciens qui n'existeraient pas en tant que tels, en tout cas, en tant que souveraineté, mais une invention des Grecs, c'est passionnant, ce dossier de l'histoire, avec cette question beaucoup plus contemporaine sur des ancêtres pour le Liban. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de tirer sur le temps long un sujet. Merci vivement Valérie Hanin, les Phéniciens, Tyr, Sidon, Byblos, des ancêtres de grande puissance marchande. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscane Vudès, Jeanne Copage, Lilian Tilly, Mayouen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.